بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va lire 10 minutes inshallah la suite du livre تعظيم الصلاة de Cheikh Abdel Razak Al-Badr. Il dit ici c'est الصلاة الصلاة. Et ça, c'est les paroles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées avant sa mort. C'est une des dernières choses qu'il a enjoint à la Ummah, c'est, yani, avant de, quelques instants avant sa mort, il a parlé, il a dit, as-salat, as-salat. Donc, ça montre l'importance de la prière. Et c'est ça le titre de ce chapitre. Donc, le cheikh, il dit, inna min akbar al-masa'ib wa ajalliha wa a'zamiha. وأشدها مصيبة الأمة بوفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي من الله على الأمة ببعثته. Donc il dit parmi les plus grands malheurs que la Ummah a pu subir, eh bien c'est le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme une faveur pour cette Ummah. Il dit وكان دليلهم إلى الجنة وقائدهم إلى كل فضيلة وإمامهم في كل خير لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم c'était يعني le guide vers le paradis, celui qui les dirige et qui les dirige vers tous les mérites et toutes les bonnes choses. Et c'était yani, leur imam, celui qui les amène vers le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran en disant, il y avait certes dans la personne du messager d'Allah pour vous le meilleur exemple pour celui qui souhaite en, ou qui espère en Allah et au jour dernier et qui se souvient d'Allah beaucoup. Et donc il dit ensuite وَفِي هَذَا الْحَدَثَ الْعَظِيمِ عِبَرٌ كَثِيرَةٌ ودروس عديدة ينبغي أن نقف عندها. Donc dans cet événement, ce grand événement, c'est-à-dire le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des grandes leçons à prendre et des choses importantes à apprendre, et donc il faut s'y arrêter. Il dit ومن أعظم ذلك ما يتعلق بشأن الصلاة وبيان مكانتها. Donc il dit parmi les choses les plus importantes de ça, c'est qu'est-ce qui a rapport avec la salat et l'explication de son importance. Donc c'est des choses qu'on peut tirer justement de cet grand événement. لقد كانت آخر صلاة صلاها نبينا عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين صلاة الظهر من يوم الخميس ثم إنه عليه الصلاة والسلام اشتد به الوجع فبقي أياما ثلاثة لا يتمكن من الخروج إلى الصلاة من شدة الوجع وهي يوم الجمعة والسبت والأحد. Donc la dernière prière que le messager, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié avec les croyants, c'est la prière de Dhuhr le jeudi. Puis ensuite, à cause de la douleur qu'il avait, pendant 3 jours, il n'a pas été capable de sortir pour faire la salat à cause de la sévérité de la douleur qu'il avait. Et donc ça veut dire qu'il n'est pas sorti le vendredi, le samedi et le dimanche suivant. وكان ينوب عنه في الصلاة وإمامة المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Et c'était Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه qui le remplaçait dans la yani l'imam. C'était lui l'imam pour les musulmans pendant ces jours-là. وفي فجر يوم الاثنين اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرته لي يلقي نظرة على أصحابه. Donc le jour du lundi, c'est le jour dans lequel il est décédé sallallahu alayhi wa sallam, il a tiré le rideau pour regarder et jeter un regard sur ses compagnons dans la mosquée. وهي نظرة الوداع وما أعظمه من وداع رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس ابن مالك. Donc c'était le regard à Dieu, et comme c'était un grand regard qu'il a donné pour yani souhaiter la Dieu à ses compagnons. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih selon Anas ibn Malik رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتن من الفرح أن نفتت من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر عن عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. Donc c'est un hadith qui est triste en même temps, mais en même temps on voit comment les sahaba, yani lorsque Abu Bakr dirigeait la prière pendant la maladie du prophète صلى الله عليه وسلم, eh bien yani c'était par la suite le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est décédé comme on a dit le lundi, et le prophète صلى الله عليه وسلم, quand c'était le lundi, il a vu que les sahabas se préparaient à faire l'Iran. Il priait derrière Abu Bakr comme c'était l'habitude depuis ces quelques jours. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tiré le rideau pour regarder dans la mosquée. Puis il était dans sa maison, parce que la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les maisons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient à l'est de la mosquée. Et il y avait une porte de sa maison qui avait accès direct à la mosquée. Donc quand il était dans sa maison, il pouvait regarder directement dans la mosquée. Hein? Donc il tire le rideau et il regarde à l'intérieur de la mosquée pour voir yani, les sahaba qui font la prière. Et ils ont dit que yani, son visage était comme une page du mushaf. Il était pâle, hein, et il a souri, hein, et il dit les gens étaient tellement contents de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça a été, ils se sont réjouis de ça, et Abu Bakr radiallahu anhu, il a failli reculer pour laisser la place au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis rejoindre le rang. Hein, il pensait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait venir diriger la salat, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait un signe en disant complétez votre salat, continuez votre salat, et il a refermé le rideau sallallahu alayhi wa sallam, et il est mort ce jour-là. لنتأمل يعني متعظين ومعتبرين فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أمته في المسجد نظرة وداع, ينظر نظرة وهي قرة عين له عليه الصلاة والسلام, فقد كانت الصلاة قرة عينه. Donc on doit regarder à cet événement pour prendre une leçon, puis réfléchir. Et on voit que notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il regardait sa umma dans la mosquée avec un regard d'adieu. Et il regarde, alors que yani, c'est quelque chose qu'ils font. Et c'est la prunelle de ses yeux, parce que yani, c'est la chose qu'il préférait le plus, la salat. Il dit ici, « وَقَدْ أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَهُ فِي صبيحة وفاته بأن رأى أمته مجتمعين في المسجد على هذه الصلاة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a réjoui ce matin-là, le matin de son décès, en pouvant voir sa umma réunie dans la mosquée en train de faire cette salat. يعني تبسم يضحك عليه الصلاة والسلام أنه تبسم فرح وسرور يعني c'est un sourire et une joie يعني quand il sourit c'est un sourire de joie وضحك وضحك أنس وهناءة وهناءة برؤية أمته مجتمعة في المسجد على هذه الصلاة donc il était en paix et comme on dit il était reposé et content de voir que les musulmans étaient réunis dans la mosquée en train de faire la salat arkha sitr alayhi salatu wassalam قرار العين برؤية هذا المنظر المفرح والصورة المبهجة أمته أمة الإسلام مجتمعة في المسجد تصلي أقر الله عين نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة البهيجة والحالة المفرحة الله سبحانه وتعالى il lui a donné ce regard sur quelque chose qui l'a réjoui. Il n'a pas quitté ce monde en voyant ses sahaba se diviser ou se disputer entre eux ou faire quelque chose qui lui déplaît. Non, il a quitté ce monde en voyant en étant satisfait de ses sahaba et de ses compagnons et en les voyant en train de faire la meilleure des choses. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, puis on continuera de la suite de ça demain, bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين